إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alors alhamdulillah, on est arrivé dans cette série de cours au 33e hadith. وصلنا إلى الحديث الثالث والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين. Donc ce 33e hadith où Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, ses parents et l'ensemble des gens. À travers ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le musulman ne peut pas compléter sa foi et ne peut pas acquérir la foi minimum pour entrer au paradis sans châtiment sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne soit plus aimé à lui que ses enfants, sa descendance, ses parents et l'humanité entière. Entre dans wannasi ajma'in, dans tous les gens, sa propre personne. Sa propre personne. Donc, il est obligatoire à tout musulman d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de devancer son amour sur l'amour de toute autre créature. Car il est l'homme le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on aime Allah, alors on aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'amour qu'on porte pour Allah. Car Allah l'aime. Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'homme le plus aimé auprès de lui, la créature la plus aimée auprès de lui. Donc si on aime vraiment Allah, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Ce hadith prouve que les actes font partie de la foi. Al-a'malu min al-iman. لأن المحبة عمل. Car l'amour, c'est un acte. وَعَمَلُ الْقَلْبِ C'est un acte du cœur. Donc cela prouve que les actes, que ce soit les actes du cœur ou les actes du corps, ils font partie de la foi. Et ce hadith montre que la personne qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas une foi complète et manquant dans sa foi. Dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « n'est pas croyant celui qui, par exemple ici, donc, que, pour qui je ne suis pas plus aimé que ses parents, ses enfants et l'humanité entière. » Est-ce que cela veut dire qu'il est sorti de l'islam ? Non. Une personne peut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas assez pour atteindre le degré de foi minimum pour entrer au paradis sans châtiment. Et en faisant cela, il sera manquant dans sa foi, mais il ne sera pas sorti de l'islam. Par contre, s'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne l'aime pas du tout, bien sûr, il n'a rien à voir avec l'islam. Dans ce hadith, il y a une preuve que si la foi est sincère, les effets et les fruits de cette foi doivent apparaître à travers ses actes et ses paroles, son amour et son aversion, qui sont les fruits de cette foi. Il n'est pas possible que quelqu'un dise « j'ai une foi sincère » et il aime ce que Allah déteste et il déteste ce que Allah aime. Cette personne a un problème dans sa foi. Dans ce hadith, on apprend aussi qu'il est obligatoire de devancer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de sa propre personne, sur l'amour de ses parents, sur l'amour de ses enfants et sur l'amour de qui que ce soit parmi les créatures. Même sur l'amour de son propre argent, de ses biens, et qu'il soit prêt à sacrifier ses biens et sa personne en rançon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre sa sunna, la voie sur laquelle il nous a laissé, et pour défendre la religion avec laquelle il a été envoyé. Ce hadith prouve aussi qu'il est obligatoire de porter secours à la tradition prophétique et à la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui a une foi sincère, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-il ne pas porter secours à la religion avec laquelle il est venu? Comment peut-il laisser sa tradition, que ce soit dans ses paroles, dans ce qu'il a enseigné avec ses actes, ce qu'il a pratiqué ou ce qu'il a agréé des autres? Comment il peut laisser les gens critiquer la sunna ou attaquer la sunna? S'il a un amour sincère envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime les gens de l'islam et il aime les gens de la sunna, et il a de l'aversion envers les gens qui délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui la contredisent. Ça fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, on voit aussi l'autorisation de l'amour naturel. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je sois plus aimé à lui que ses enfants, ses parents et l'humanité entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il aime ses parents et ses enfants. Et certaines personnes dans le monde, il les aime d'un amour naturel. Mais il doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'eux. Donc cela prouve qu'il est permis d'avoir un amour naturel envers ses proches, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est un amour naturel, un amour de proximité filiale, et non pas un amour pour leur état, par exemple qu'ils soient mécréants ou musulmans, bien sûr, s'ils sont proches et en plus ils sont musulmans, on les aime doublement. On les aime pour les liens de parenté et on les aime pour l'islam, en priorité d'ailleurs. Et si en plus ce sont des gens pieux dans l'islam, on va les aimer encore pour leur piété. Ce hadith, il prouve aussi l'obligation de devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de qui que ce soit. Car si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peux-tu te permettre de devancer la vie, l'opinion, l'expérience ou la parole d'une autre personne à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont des principes qui paraissent évidents. Tout musulman va dire, bien sûr, d'accord, bien sûr, mais en pratique, pas bien sûr juste avec la langue. Bien sûr, comme ça, mais quand on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose, il va te dire, oui, mais un tel a dit. Ah, d'accord, donc ton bien sûr maintenant, c'est plus bien sûr comme avant. Bien sûr avec des parenthèses. Oui, mais. Le prophète a dit, oui, mais. Ce oui, mais, il a annulé ce que tu as dit avant. Oui, mais. Un tel a dit, oui, mais moi je pense que. Oui, mais j'ai entendu quelqu'un dire. Oui, mais mon expérience, elle dit que. Oui, mais tel sociologue, il a dit. Oui, mais tel philosophe, il a dit. Oui, mais tel coach, il a dit. Oui, mais telle personne a dit. Oui, mais même tel savant a dit. Vous savez ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa an abi? Il leur enseignait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il faut faire la mut'a dans le hajj, c'est-à-dire le tamattu'. Et les gens disaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. C'est pas n'importe qui, Abu Bakr et Omar. Ce sont les meilleures personnes de l'islam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les meilleurs parmi les compagnons. Ils disaient, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Et Abdullah ibn Abbas, il leur répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, je crains que des pierres ne vont pleuvoir sur vous si vous continuez à dire ça. Des pierres vont pleuvoir sur vous du ciel si vous continuez à dire un tel a dit quand je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On peut dire que ceux qui ont répondu ça à Abdullah ibn Abbas, ils pensaient que Abu Bakr et Omar connaissent mieux la sunna que lui. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont devancé leurs paroles. Non pas parce qu'ils devancent leur parole à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Malgré ça, Abdullah ibn Abbas s'est fâché et il leur a dit, je crains que des pierres ne pleuvent du ciel sur vous. Je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Alors que dire de tous ceux qui sont en dessous, en mérite, en foi, en science, en dessous d'Abu Bakr et Omar, c'est-à-dire tout le monde sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est facile de dire je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de tout le monde et son ordre sur l'ordre de tout le monde. Mais quand on voit en pratique aujourd'hui, malheureusement ce ne sont que des slogans. Ce n'est pas un amour sincère. Quand tu dis à une personne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, normalement il doit être pris de frissons tout de suite. Tu dis قال رسول الله, tout de suite il s'arrête, il est pris de frissons, il écoute. C'est pas moi qui dis, c'est pas l'autre, c'est le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui a dit, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Après bien sûr il peut aller demander quelle est l'explication de ce hadith, que veut-il dire. Mais le premier sentiment, le premier comportement, c'est d'abord tu te plies. Tu dis oui, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « sam'an wa ta'at », on a entendu et on a obéi. C'est la première réaction, avant de polémiquer, avant de discuter, avant quoi que ce soit. J'ai entendu, j'ai obéi. Puis, tu cherches à comprendre. Que veut dire ce hadith? Que veut dire ce hadith? Bien sûr, est-ce qu'il est authentique? Si quelqu'un rapporte un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça change tout. Que veut dire ce hadith? Mais la première des choses, la pratique. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer un peu comment était le suivi de la sunna au temps des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière. Pendant la prière, Jibril alayhi salam lui a informé qu'il avait une impureté sur ses sandales. Il faut savoir qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète et les sahaba, ils priaient avec leurs sandales. Il a même encouragé de prier avec les sandales. Bien sûr, ce n'était pas sur de la moquette. Hein. C'était des pierres, des gravillons. Vous n'allez pas rentrer avec vos sandales sur la moquette. Donc, il priait avec ses sandales et les sahaba priaient derrière lui avec leurs sandales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé qu'il avait une impureté sur ses sandales. Il a retiré ses sandales en pleine prière. D'accord ? Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons ? Ils ont retiré leurs sandales en pleine prière, directement. Après, ils sont allés demander le pourquoi. Donc d'abord, ils ont obéi, après, ils ont demandé pourquoi. Aujourd'hui, les gens, ils vont faire quoi ? Mais pourquoi ? Et comment ? Et comment ça ? Et pourquoi pas ? Obéis d'abord. Plie-toi. Après, demande pourquoi. C'est ça la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cette... comment on dit ? J'ai perdu le mot en français. Comment ? Non, non. Tu ne peux pas savoir. Isti'dad, cette... ils sont prêts. Ils sont prêts déjà à obéir. Ils sont prêts déjà à obéir, puis après à demander pourquoi. Ils cherchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchent ses traditions pour les mettre en pratique. Et non pas comme aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire? Ah ben non, c'est pas obligatoire. Alhamdulillah, c'est pas obligatoire, donc je peux le délaisser. Ah c'est sunna, ah c'est pas wajib, ah d'accord, c'est sunna. Donc pour lui, c'est pas, ah c'est sunna, mashallah, c'est une cause de guider. Ah, c'est sunnah, mashallah, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie pour être sauvé. C'est la voie pour gagner des récompenses. Je vais m'y attacher. Non, non. Ah, c'est sunnah, c'est pas obligatoire. Donc, je peux le délaisser. C'est ça, là, l'attitude. C'est connaître la différence entre les obligations et les sunnahs pour délaisser les sunnahs. Non pas pour s'y accrocher. C'est ça, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De devancer sa parole devant la parole de qui que ce soit sur terre. Si le monde entier dit une parole et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit une autre, je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole du monde entier. Tous ils sont réunis, hein, ils disent une parole, je devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le monde entier. Car il ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. Une anecdote. Une personne m'a questionné sur un hadith. Il me dit les médecins disent que telle ou telle chose c'est mauvais pour la santé. Alors que le hadith dit que cette chose est bonne pour la santé. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, est-ce que c'est une question qui se pose ? Qu'est-ce que tu fais si la parole des gens contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tout croyant fait ? Il devance la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Le prochain hadith, il est lié à ce hadith-là. Le hadith al-rabi'u wa thalathun. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال thalathun. من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 34e حديث، الحديث أنس بن مالك، le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été à son service 10 ans, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais repris sur une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite? Et sur une chose que j'ai faite, que ne l'es-tu faite? Je n'ai jamais senti une odeur plus suave que l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai jamais touché un brocard ou un satin ou une plus doux que la main du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il était à son service. Imagine-toi quelqu'un à ton service, tu lui dis jamais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. 10 ans, c'est impossible. Il est à ton service, il est là pour être à ton service. Tu lui dis jamais pourquoi t'as pas fait comme ça et pourquoi t'as fait comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois caractéristiques, celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. Trois caractéristiques, celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. Qu'Allah, la première caractéristique, qu'Allah et son messager soient plus aimés à lui que quiconque. Donc ça rejoint le hadith de tout à l'heure. Deuxièmement, quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Sincèrement pour Allah. Troisièmement, qu'il lui répugne de retourner à la mécréance ou de tomber dans la mécréance après qu'Allah l'ait guidé, après qu'Allah l'en est sorti, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. Trois caractéristiques, celui qui les possède goûtera grâce à elles à la douceur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la douceur de la foi? C'est une douceur qui n'est pas la douceur d'une sucrerie qu'on mange ou autre, ou du miel, mais bien plus forte que cela. C'est que la personne trouve du plaisir dans l'obéissance d'Allah. La personne trouve du plaisir, il a du plaisir quand il fait les actes d'adoration. Il a du plaisir à délaisser les interdits. Si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire maintenant, la personne par exemple, tu lui dis t'as envie de faire quoi aujourd'hui, t'as envie de faire quoi maintenant qui te fera le plus plaisir, lui, ce qui lui fait le plus plaisir, dans lequel il trouve du goût, dans lequel il trouve du repos, de la tranquillité, c'est l'obéissance d'Allah, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la douceur de la foi. Et pour atteindre ce niveau, il faut réunir ces trois caractéristiques: aimer Allah et son messager plus que tout au monde. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni Allah et son messager. On peut se dire pourquoi il n'a pas dit Allah puis son messager, parce qu'on ne peut pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'Allah, sinon c'est du shirk. Si une personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'il aime Allah ou plus qu'il aime Allah, il a donné un associé à Allah, on est d'accord. Pourquoi ici il a dit qu'on aime Allah et son messager, il n'a pas dit puis? Car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle suit l'amour d'Allah et elle est un fruit de l'amour d'Allah. Elle n'est pas séparable. On ne peut pas la séparer de l'amour d'Allah. Si on aime Allah, plus on aime Allah, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus on aime Allah, plus on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, pour l'amour d'Allah. Et non pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah ou comme on aime Allah. car ceci est du polythéisme majeur. C'est ce que font les gens qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'invoquent en dehors d'Allah, ou qui adorent et invoquent les prophètes en dehors d'Allah, les autres prophètes, ou les saints. N'est-ce pas? Donc, ça c'est la première caractéristique. Aimer Allah et son prophète plus que tout au monde. Cela rejoint le hadith que l'on a vu tout à l'heure. Plus que tout au monde, toutes les créatures, toutes les personnes, toutes les passions, tous les désirs, toutes les choses. Deuxième caractéristique qui suit en vérité cela. Quand il aime une personne, il l'aime pour Allah. Il est désintéressé. Il ne l'aime pas pour un intérêt mondain ou parce qu'il fait partie de son clan ou de son groupe ou de la même nationalité que lui ou de la même région que lui ou parce qu'il partage une passion. Il partage une passion, alors il l'aime parce qu'il partage une même passion avec lui. Il partage la passion d'un sport, la passion d'un travail, la passion d'un loisir ou autre. Non, il l'aime pour Allah. Ça veut dire quoi? Aimer pour Allah. Aimer pour Allah, c'est aimer une personne pour ce qu'elle montre, ce que l'on voit en elle d'obéissance à Allah. Bien sûr, on ne peut pas juger ce qu'il y a dans les poitrines. Donc on va se baser sur l'apparence. Celui qui nous montre du bien, on pensera du bien de lui. Celui qui nous montre du mal, on pensera du mal de lui et on laissera leur fort intérieur à Allah. Et on laissera leur fort intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne nous a pas chargé de juger les intentions des gens ou l'intérieur du cœur des gens. Par contre, il nous a obligés de prendre des positions et d'agir avec les gens selon ce qu'il nous montre en apparence. S'il nous montre la piété, alors on agit avec lui, on le considère comme une personne qui est sur la piété. S'il nous montre la perversité, alors on agira avec lui selon la manière qu'on agit avec une personne qui est sur la perversité, tout simplement. Même s'il chante du matin au soir, mais non, mais dans mon cœur, je suis bon, j'ai un bon cœur. D'accord, ça c'est entre toi, Allah. T'as un bon cœur, Inch'Allah. Inch'Allah qu'au fond, t'as un bon cœur et Allah il va te permettre de te repentir. C'est bien. Ça c'est entre toi et Allah. Mais moi, tu me montres des péchés. Tu me montres la désobéissance. Donc je ne peux pas juger que tu es sur la piété. N'est-ce pas? Donc, quand une personne voit en son frère, en islam, l'obéissance, l'attachement aux préceptes de l'islam, l'attachement aux bienséances de l'islam, l'attachement au comportement de l'islam, l'amour de la sunna, l'attachement au hadith, l'attachement à la piété, l'éloignement des péchés, l'éloignement des choses douteuses, des choses qui ternissent l'honorabilité d'une personne, alors tout croyant est dans l'obligation de l'aimer, cette personne. Il ne peut que l'aimer. Et il va l'aimer pour Allah, même s'il ne le connaît pas, même s'il est d'une autre nationalité que lui, même s'il vient du fin fond de la terre, avec une autre culture, une autre façon de voir les choses dans les choses de dunya. Mais ce qui nous réunit avec lui, c'est l'islam, c'est la sunna, c'est l'obéissance. Donc celui qui a cette caractéristique, que quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Il est désintéressé. Ce n'est pas pour un profit. La troisième caractéristique, qui lui répugne, qu'il a peur de devenir mécréant après qu'Allah l'ait guidé à l'islam. Que cela soit celui qui s'est converti, qu'Allah l'a sorti des ténèbres vers la lumière. Il a peur de revenir aux ténèbres dans lesquelles il était auparavant ou à pire. ou même celui qui est né dans l'islam, qui a grandi dans l'islam et qui a été musulman, il a peur qu'il s'égare et qu'il prenne le chemin des égarés, après qu'Allah l'ait guidé et l'ait préservé sur la foi et la guidance. Et cette répugnance, elle doit être aussi forte que s'il se voyait jeté dans un feu pour brûler. Il doit avoir peur et répugner, s'approcher de la mécréance autant qu'il a peur et qu'il répugne s'approcher du feu. Celui qui réunit ces trois caractéristiques, alors il goûtera à la douceur de la foi. Dans le sens contraire, si une personne dit « Pourquoi je ne trouve pas de plaisir dans l'adoration ? Pourquoi je ne goûte pas à la douceur de la foi ?» On lui dira « Il faut revenir à ces trois points. Il y a sûrement des manquements dans ces trois points ou dans un de ces trois points. » De toute façon, ils sont liés. Ils sont liés. Et si quelqu'un veut un jour arriver à ce niveau où il prend du plaisir dans l'adoration d'Allah, alors qu'il fasse l'effort pour concrétiser ces trois caractéristiques. D'aimer Allah et son messager plus que tout au monde. Quand il aime une personne, il l'aime sincèrement pour Allah. Et il lui répugne de tomber dans la mécréance ou retourner à la mécréance comme il lui répugnerait se voir jeté dans le feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses qualités et qu'il nous fasse grâce de cette douceur de la foi et cette douceur dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on entend certains sahaba, si on leur demande c'est quoi que tu préfères dans cette vie, ils vont dire des paroles qui sont incompréhensibles par le commun des gens. Incompréhensibles par le commun des gens. C'est pas, on ne peut pas les comprendre. Certains vont dire « Ce que je préfère dans cette vie sont les journées, les longues journées chaudes dans lesquelles je jeûne. » Comment ? Qu'est-ce que tu préfères dans ce monde ? Tu vas voir quelqu'un qui dit « Dis-moi ta chose préférée. » Qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà la réponse des gens de la foi, des gens qui ont trouvé le plaisir dans le sacrifice pour Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre qui dira « Ce que je préfère dans cette vie, c'est être dans une nuit noire glaciale, entouré par mes ennemis en train de combattre sur le sentier d'Allah. » Ce qu'il préfère dans cette vie, la situation qui nous fait le plus peur à nous, que l'on détesterait peut-être le plus, lui c'est ce qu'il préfère. Parce qu'il sait la récompense qu'il y a dans cela. Et c'est comme cela que l'on comprend quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des gens pieux, comment ils passaient des heures et des heures et des nuits dans l'adoration d'Allah et des journées dans le jeûne, dans le sentier d'Allah, sans jamais se fatiguer ni se lasser. Celui qui se lasse, c'est qu'il n'a pas trouvé encore le goût dans ses adorations. Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, il est long. C'est pour ça que ce sera le dernier, parce qu'il est très long. Ce hadith en lui-même, on pourrait en faire 100 leçons, 100 cours, ou même 200 cours. Car en réalité, il réunit tout l'islam. Même plus. Mais on va essayer d'en sortir les règles essentielles. الحديث الخامس والثلاثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ce hadith de Omar ibn Khattab, qui est connu sous le hadith de Jibril, qui est connu sous le nom du hadith de Jibril, alayhi salatu wa salam. Ce hadith rapporté par Omar, la version qui est rapportée par Omar ibn Khattab, elle est que dans le sahih de l'imam Muslim. Alors que la version de Abu Huraira, du même hadith, elle est chez le Bukhari et Muslim. Ce hadith, c'est qu'Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, un homme qui avait les vêtements très blancs et les cheveux très noirs, sur lequel on ne voit pas les effets du voyage, est venu. Aucun d'entre nous ne le connaissait. Et il est venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: « Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « L'islam est d'attester qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, tu accomplisses le pèlerinage si tu en as les moyens. » Voilà qu'il a dit: tu as dit vrai. Omar a dit: nous sommes étonnés. Il lui pose la question, puis il le rend véridique, il dit: tu as dit vrai. Puis il a dit: informe-moi sur la foi, l'iman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois dans la destinée bonne ou mauvaise. Il a dit: tu as dit vrai. Il a dit: informe-moi sur l'ihsan, sur la perfection. Il a dit: c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas toi, sache que lui te voit. Il a dit: informe-moi sur l'heure. Il a dit: celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il lui a dit: informe-moi donc sur ces signes apparents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: quand la femme mettra au monde sa propre maîtresse, et que tu vois les va-nu-pieds berger des moutons qui se concurrencent dans la longueur, dans la hauteur de leur construction. Puis il est parti. Et on est resté un petit moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? J'ai dit Allah et son messager le savent mieux. Il a dit: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ce hadith, c'est un hadith qui est un fondement de l'islam, qui est expliqué, qui est dans la plupart des recueils de hadith authentiques, qui a été expliqué et réexpliqué par les savants, car il contient de nombreux enseignements et les fondements essentiels de la religion. Il est connu sous le nom de hadith de Jibril. Pourquoi ? Car Jibril, alayhi salatu wassalam, est venu dans ce hadith sous une forme humaine. Et il se peut que les anges se présentent parfois sous une forme humaine, sous une forme autre que leur vraie forme. Autre que leur vraie forme. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors il est venu, quand Omar ibn Khattab dit, il avait des vêtements très blancs, les cheveux bien noirs, on ne voyait pas sur lui des traces de saleté, de voyage, alors que personne d'entre nous le connaissait. Donc c'est-à-dire, c'est pas possible qu'il soit voyageur, il est tout propre. Il est tout propre. À l'époque, imaginez-vous ceux qui voyageaient des jours et des jours dans le désert. C'est impossible qu'il arrive tout propre. Donc comment ça se fait qu'il est tout propre et en plus aucun d'entre nous ne le connaît ? Ça l'a déjà étonné. Ça l'a étonné. Ce n'est pas commun. Ou bien on le connaît, il est tout propre, il sort de chez lui, il habite dans notre ville. Donc c'est normal qu'il soit tout propre, il vient de sortir de chez lui. Ou bien, si c'est un étranger, comment se fait-il qu'il est tout propre ? C'est impossible. Donc, il a fait cette remarque pour montrer qu'il y avait une contradiction entre le fait qu'il était inconnu et le fait qu'on ne voyait aucune trace de voyage sur lui. En plus de cela, il est venu comme s'il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis longtemps, sans gêne. Il est venu au milieu de l'assise. Il s'est collé à lui, ses genoux sur ses genoux, lui a mis les mains sur les cuisses. Comment ça ? On ne le connaît pas, en plus il vient, il se met juste collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met ses mains sur ses cuisses. Et les seuls qui étaient sans gêne à l'époque, c'était les bédouins. Les bédouins, ils étaient un peu sans gêne, à la différence des citadins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un citadin, c'est un habitant de la Mecque. Les gens de Médine, c'était des citadins. Des habitants de Médine, de la ville. Les Bédouins, ils étaient connus pour manquer de manières. Pour manquer de manières. D'ailleurs, il n'y a que les Bédouins qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Les autres, ils disaient, oh messager d'Allah. D'ailleurs, Allah a interdit qu'on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça par son prénom. Allah Ta'ala dit « La taj'alu du'a al-rasouli ka du'a ibadikum ba'da » N'interpellez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous interpellez les uns les autres. Dites « Oh messager d'Allah, oh envoyé d'Allah, oh prophète d'Allah » Lui, il est venu, Jibril alayhi salam, il a dit « Oh Muhammad » Ça, il n'y a que les bedouins qui le faisaient. Donc Jibril alayhi salatu wa salam, en faisant cela, il a voulu un peu les tromper, comme si leur faire croire qu'il était un bédouin. Il a dit « Oh Mohammed !» Déjà, il est venu, il s'est mis au milieu de l'assemblée, il s'est collé à lui, personne ne le connaît, « Oh Mohammed !» Sahaba, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait 15 gestes, il serait tout de suite levé, il l'aurait attrapé. N'est-ce pas ? Donc, il a agi comme un bédouin. Pour brouiller les pistes. Il dit, oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'islam est le fait d'attester qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. D'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage pour celui qui en a le moyen. Et voilà qu'il répond, tu as dit vrai. Enfin, tu viens poser des questions, tu es ignorant, un bédouin, et à la fin tu dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais, d'accord, c'est vrai, ce que tu dis c'est juste. Il dit, on a été étonné qu'il le questionne pour ensuite l'encaisser et le valider. Il lui a dit, maintenant informe-moi sur la foi. El-Iman. Et de la foi, et de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et à la destinée bonne ou mauvaise. Il a dit, tu as dit vrai. Il a dit, maintenant, informe-moi sur l'ihsan, c'est-à-dire le plus haut degré dans la foi et dans l'islam, la perfection. Il a dit, l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu pratiques l'islam et l'iman comme si tu voyais Allah. Car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il lui dit, informe-moi sur l'heure. Et voilà au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui que tu questionnes n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Car l'heure, la science de l'heure, est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne la connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit donc, informe-moi au moins sur ces signes précurseurs. Et il lui a donné quelques signes. Donc dans ce hadith, on voit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons, il leur enseignait. Si un étranger venait, il ne le connaissait pas, il ne savait pas lequel d'entre eux était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on voit dans ce hadith la politesse dans l'apprentissage de la science. Le fait de s'asseoir comme Jibril alayhi salam s'est assis sur ses genoux. Et ça, c'est l'assise qui est voulue quand on apprend la science. S'asseoir sur ses genoux d'une manière modeste, d'une manière polie. Aussi, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas empêché cette personne de se rapprocher pour poser la question, pour le mettre à l'aise pour poser la question, pour qu'il puisse lui répondre. On voit dans ce hadith, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui a été cité dans ce hadith, c'est la religion d'Islam. C'est ça la religion d'Islam. L'Islam, l'Iman, l'Ihsan. Quand l'Islam, l'Islam et l'Iman ils sont cités dans un même texte, ils ont un sens précis chacun. L'Islam concerne les actes apparents et l'Iman concerne les croyances cachées. Par contre, quand ils sont cités séparément, ils sont synonymes l'un de l'autre. L'islam, c'est et les actes apparents et les croyances, et l'iman, c'est et les actes apparents et les croyances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les piliers de l'islam. Ce avec quoi on témoigne de l'islam de quelqu'un, et ce sur quoi repose la religion de l'islam. La double attestation de foi, qui est ce avec quoi une personne entre en islam, s'il l'a dit sincèrement, s'il l'a dit avec acceptation de ce qu'elle renferme, s'il l'a dit avec amour et avec soumission de ce à quoi elle appelle, s'il l'a dit avec véracité, s'il l'a dit avec science, avec connaissance de ce que veut dire cette parole, et non pas juste dire la parole sans en connaître les sens, sans véracité, sans certitude, sans aucune des conditions pour que cette parole soit acceptée. Donc, le premier pas dans l'islam, c'est de dire cette double attestation de foi, avec ce qu'elle enferme et ce qu'elle contient et ce à quoi elle appelle. L'attestation que Allah Ta'ala est le seul qui mérite l'adoration, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah qui ne parle pas sous l'effet de la passion, de rendre véridique ce qu'il a rapporté comme information, de devancer sa parole devant la parole de quiconque et de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a parlé des autres piliers de la foi, les cinq prières quotidiennes, qui sont le pacte entre nous et les mécréants. Ces prières, le pacte, c'est-à-dire la différenciation, comme il est dit dans le hadith. La différence, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire la différence entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui la délaisse a bel et bien mécréant. La salat, c'est l'acte du corps, l'acte de l'islam le plus important après la double attestation de foi. Après la double attestation de foi. Et il n'y a pas de religion sans salat. Puis il a cité les autres piliers de l'islam, la zakat. Ici, il parle de zakat, des biens, la zakat, des récoltes, la zakat, des bestiaux. C'est ça la zakat dont il parle. La zakat qui est dans les piliers de l'islam, c'est pas zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est une obligation. Mais c'est pas celle qui est dans les piliers de l'islam. Celle qui est dans les piliers de l'islam, c'est la zakat sur les biens, sur les récoltes, sur les bestiaux. Puis, il lui a parlé du jeûne du mois de Ramadan et du pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Là, ici, on ne va pas détailler ces points-là. Chacun de ces points-là nécessite des heures et des heures de cours. Puis, il lui a demandé sur l'iman, c'est-à-dire les croyances intérieures, qui sont les piliers, les fondements de la foi. Croire en Allah. Croire en Allah comme créateur, Seigneur, pourvoyeur, régisseur, possesseur de ce monde, le seul qui mérite l'adoration, tout type d'adoration ne doit être voué qu'à Allah seul, sans associé, qui possède les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Subhanahu wa ta'ala. On croit en Allah, dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs. Croire en ces anges qui sont des créatures créées de lumière, qui ne lui désobéissent jamais, qui ne sont ni hommes ni femmes. Chacun d'entre eux a un rôle bien défini. Et ils n'ont aucune part de la royauté, ni de la décision, ni aucune spécificité et qualité de la divinité. Ils sont des créatures qui obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Chacun tient un rôle bien précis. Croire dans les livres révélés. Certains dont on connaît les noms, d'autres dont on ne connaît pas les noms. Parmi ceux dont on connaît les noms, les psaumes, la Torah, l'Évangile et le Coran, qui est le dernier des livres révélés. On sait que les anciens livres ont été falsifiés. Ils existent, ils ont existé, mais ils ont été falsifiés. Donc ce qu'il en reste dedans, il y a du vrai et il y a du faux. Et le Coran, il est infalsifiable car c'est le dernier livre révélé pour l'humanité. Il est venu abroger ce qui a été cité dans les anciens livres comme règle. Il est venu confirmer ce qui était juste, corriger ce qui a été rajouté ou falsifié par les gens. Et il est venu comme dernier message pour l'humanité, abroger les autres messages. Les prophètes et les messagers, qui sont d'un grand nombre, qui ont été envoyés chacun à leur peuple, dont les plus connus sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus grands et les plus nobles parmi les messagers. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et messager, il est le sceau des prophètes et il est l'imam des prophètes et des messagers, il a été envoyé pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Croire au jour dernier, c'est-à-dire croire qu'on va tous mourir et qu'on sera ressuscité et que l'on sera jugé et qu'une partie des gens iront au paradis et d'autres en enfer. Certains croyants passeront par l'enfer pour finir au paradis. Mais ceux qui entrent au paradis n'en sortiront jamais. Et le paradis est interdit pour les mécréants. Et croire en la destinée. Car Allah a destiné toute chose. Il a écrit la destinée de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Il sait avec certitude et avec précision chaque chose qui va se passer et leurs conséquences. Il l'a écrit dans la table gardée. Puis quand cette chose arrive, il la crée comme il veut, subhanahu wa ta'ala, avec sa volonté. Donc la destinée, croire en la destinée, c'est croire en la science d'Allah, en l'écriture, en la volonté et en la création. Allah connaît et connaissait toutes choses, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a créé. Mais l'être humain ne sait pas. Et croire en la destinée n'est pas contradictoire au fait de croire au libre arbitre. Car la destinée, ça ne veut pas dire qu'Allah t'a contraint de choisir un choix. Cela veut dire qu'Allah sait le choix que tu vas faire. Il sait, car il connaît le futur. Il sait le choix que tu vas faire. Mais il ne t'a pas contraint de le faire. C'est toi qui le fais le choix. C'est pour cela qu'il y a le paradis et l'enfer, qu'il y a le jugement pour récompenser les bienfaisants et le châtiment pour châtier les malfaisants. Car tu auras fait ton choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Voilà les piliers de la foi. En résumé, bien sûr. Puis, الْإِحْسَان, qui est le fait de parfaire l'islam et de parfaire l'imam. De parfaire les croyances intérieures et de parfaire les actes extérieurs à part. C'est ça l'Ihsan. Puis il a informé sur certains signes de l'heure et il a informé que Jibril a été envoyé pour leur enseigner la religion. Et ceci est un moyen d'enseigner la religion. Parfois, quand on est en présence d'une personne de science, on peut lui poser une question alors qu'on connaît la réponse. Pourquoi ? L'objectif est que ce soit un enseignement pour l'assise. Pour que ce soit un enseignement pour l'assise. Par exemple, cher Foulan, quel est le statut de tel acte en islam ? On veut que tout le monde apprenne, par exemple. L'assise apprenne le statut en islam de tel acte, de telle parole, ou de telle croyance. Alors on va lui poser la question pour qu'il puisse faire profiter toute l'assise. Et c'est ce qu'il a fait Jibril alayhi salatu wassalam. Et ceci est une forme d'enseignement, enseigner en posant des questions. On pourrait en dire encore beaucoup sur ce hadith, j'ai condensé au maximum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa barakallahu fiikum.